1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2, levez la jambe. Je m'ouvrais tout récemment un petit pote à moi, un bon petit médecin dans mon genre, en mieux, Léo Gutmann. De ce coup de plus en plus vivace, prononcé, virulent, que dis-je, absolument despotique, qui me venait pour les danseuses. Je lui demandais son avis. Qu'allais-je devenir, moi, chargé de famille? Je lui avouais toute ma passion ravageuse. Dans une jambe de danseuse, le monde saison de tout serrer. Ses folies, ses voeux sont inscrits, jamais écrits. Le plus nuancé poème du monde, émouvant Gutmann tout. Le poème inouï, chaud et fragile, comme une jambe de danseuse, en mouvant équilibre, est en ligne, Gutmann. Mon ami aux écoutes du plus grand secret, c'est Dieu lui-même, tout simplement, voilà le fond de ma pensée. À partir de la semaine prochaine, Gutmann, après le terme, je ne veux plus travailler que pour les danseuses, les danseuses. Tout pour la danse, rien que pour la danse. La vie des saisies pures les emporte au moindre élan. Je veux aller me perdre avec elle. Toute la vie frémissante, onduleuse, Gutmann, elle m'appelle. Moi-même, je me rends, je veux pas qu'on me bascule dans l'infini. À la source de tout, de toutes les ondes, la raison du monde est là. Pas ailleurs, périr pas la danseuse. Par la danseuse, je suis vieux. Je vais bientôt. Je veux m'écrouler, m'effondrer, me dissiper, me vaporiser. Tendre nuage, m'effondrer, me dissiper, me vaporiser. En arabesque, m'effondrer, me dissiper, me vaporiser. Dans le néant, m'effondrer, me dissiper, me vaporiser. Dans les fontaines du mirage, je veux périr par là. Qu'elle souffle sur mon cœur, il s'arrêtera de battre, je te promets, fais ensemble, Gutmann, que je me rapproche des danseuses. Je veux bien calancher, tu sais, comme tout le monde, mais pas dans un vase de nuit, par une onde.